Grand 5. À Blois, on nous fit établir le bivouac au sud-ouest de la ville, au-delà de la gare. L'outan s'alignait tout le long d'une avenue boisée qui aboutit à la forêt. Les dernières, les nôtres, en touchaient la lisière. Et il y avait comme une sorte de mystère inquiétant dans ce voisinage immédiat. Bien que toutes les feuilles fussent tombées, les troncs d'arbres formaient, par leur foule, un mur impénétrable au regard, et d'où semblaient s'échapper, comme des fantômes, les vapeurs du matin. La vie de Nevers se continua là, par un temps meilleur. J'y achevais plus agréablement mon apprentissage de fourrier. Il ne me laissait pas un instant de liberté, même pour assister aux exercices. Préparation des bonds, direction des corvées, distribution de toute nature. Il n'y avait pas de temps à perdre pour arriver à tout. Ce ne fut pas d'ailleurs sans une certaine émotion que je pris charge des 18 000 cartouches destiné à ma compagnie. 90 pour chacun de nous. Sur les recommandations réitérées de M. Hénard, nous les logeâmes dans le havresac, douillettement, de manière à les bien garantir de l'humidité. Ces soins divers, multiples, nous absorbaient entièrement. Beaucoup d'entre nous avaient oublié la scène du départ de Nevers, mais non pas ceux qui avaient mission de s'en souvenir. Elle devait avoir son épilogue, logique, fatale et prompte. L'accusé fut traduit devant une cour martiale, où siégeaient un chef de bataillon, deux capitaines, un lieutenant et un sous-officier, et dont la sentence ne pouvait être ni révisée ni cassée. Cela dut tout d'abord ne point paraître sérieux au caporal Tillot. Ainsi se nommait le malheureux accusé. Pour un instant d'oubli, pour une bénigne vivacité, mourir de la mort des assassins, des voleurs et des lâches, être tué par des Français, avant d'avoir affronté les Prussiens détestés, non, ce n'était pas vraisemblable. Il s'agissait sans doute de quelques simulacres de jugement et de supplice, à la manière maçonnique, afin d'éprouver le courage du patient. Mais il ne pouvait être question d'enlever au pays un de ses défenseurs dévoués. Telles durent être les pensées du caporal Tillot. Mais pour les juges, qui ne pouvaient décliner leurs fonctions sans être honteusement mis en réforme, ils durent envisager leur rôle avec tristesse et terreur, car entre un texte formel et un fait indéniable, il n'y avait pas de place pour une hésitation. La cour martiale n'hésita pas. Notre lieutenant en faisait partie, en raison de son ancienneté de grade. Il nous annonça le verdict sans commentaire. Certes, il avait eu l'occasion de cuirasser son cœur à Sedan. Plus d'une fois, il menaça de son revolver des hommes qui maugréaient contre le service, et il aurait eu le courage de tuer un fuyard. Mais il veillait sur sa compagnie paternellement, quoique bien jeune. Il la réconfortait après les journées de fatigue. Il était bon, certainement, autant que brave. Toute sa bravoure lui fut nécessaire pour tenir jusqu'au bout le rôle qui lui était échu dans l'accomplissement de ce drame. L'arrêt qu'il avait contribué à rendre, il devait le prononcer le lendemain à la face du condamné, devant 8 000 hommes assemblés, pour en voir mourir un autre. Spectacle douloureux, acte le plus pénible de la vie militaire, car quelque bien établi qu'il soit que l'armée forme un tout complet qui doit se suffire, il n'en reste pas moins terrible d'être obligé de passer sans préparation à l'état et de juger et de justicier. Nul ne peut répondre qu'il ne deviendra pas le bourreau sans pitié de son camarade coupable d'une peccadille, qu'il ne sera pas forcé de viser au cœur un ami digne de son estime quand même. Le code de justice militaire, en effet, mieux pondéré que le décret du 2 octobre 1870 qui avait institué les cours martiales, distingue entre les crimes contre la discipline militaire, il reconnaît de honteux pour lesquels la dégradation accompagne la mort, et d'autres qui entraînent seulement la mort. Mais il est muet pour la désignation des exécuteurs. Ce point était alors réglé par le décret du 13 octobre 1863, où il était dit « Le commandant de place fait commander pour l'exécution un adjudant sous-officier, 4 sergents, 4 caporaux et 4 soldats, pris à tour de rôle, en commençant par les plus anciens dans le corps auquel appartenait le condamné. » Dans l'amalgame que nous formions, personne parmi les hommes de troupe n'était fixé sur son ancienneté relative. Il était probable que, dans une telle incertitude, le sort, le hasard, remplacerait la règle. Tous, nous avions à craindre d'être désignés pour faire partie du fatal peloton. Brûler ainsi sa première cartouche, quelle épreuve! Mauvaise nuit que celle qui précéda l'exécution. Pourtant, nos appréhensions furent vaines. Aucun gradé, aucun homme de notre compagnie ne fut requis. Seul le 2e bataillon avait été chargé de former le peloton. Dès l'aube, tout le régiment s'était préparé à prendre les armes, dans une sorte de recueillement. Il était à peine aligné en avant du front de Bandière que l'alerte sonnerie de clairons des chasseurs à pied se fit entendre venant de la ville. « As-tu vu la casquette, la casquette ?» Le 10e bataillon de marche défilait devant nous, d'une vive allure. Puis le puissant roulement des tambours, sourd d'abord, plus distinct, plus sonore d'instant en instant, sembla faire trembler le sol. C'était un aussi beau régiment que le nôtre, le 51e. Il venait de son campement sur l'autre rive de la Loire. Il passa devant nous, et à la suite des chasseurs, s'enfonça dans la forêt, où nous nous engageâmes à notre tour. Allant en faire les frais, nous faisions aussi les honneurs de cette première réunion de notre brigade. À distance, le bois et les chemins se perdaient dans le brouillard, mais ce voile, sans se dissiper, semblait reculer devant nous, dessinant, à mesure que nous avancions, un cadre approprié à la cérémonie où nous étions conduits. Les arbres dépouillés étendaient lamentablement leurs branches, comme les bras d'un peuple de squelettes. L'herbe disparaissait sous la litière des feuilles desséchées, terreuses, qui s'affaissaient en grinçant sous nos pas. Quittant bientôt la grande route qui partage la forêt, la colonne prit un étroit chemin, mal frayé, défoncé par les chariots des bûcherons. Tout à coup, s'ouvrit devant nous une immense clairière, où nous nous engageâmes, en face du 51e de marche et à côté du 10e bataillon. Clairons et tambours s'étaient tus, mais derrière nous se faisait entendre la voiture cellulaire qui, entre deux gendarmes, cahotait dans les ornières. Il lui fut impossible d'avancer au milieu des fougères qui nous cachaient jusqu'à la ceinture. La portière s'ouvrit et le condamné, invité à descendre, put contempler une dernière fois la voûte du ciel, qui, dans ce large espace, n'était plus voilée par la brume. Le caporal Tillot était vêtu de la petite veste bleu foncé avec ses galons. Un aumônier le soutenait, car il semblait prêt à faiblir comme au terme d'un trop long voyage. Il recueillait les dernières consolations de la bouche du prêtre. Son visage, douloureusement contracté, exprimait pourtant la résignation. Sa marche était pénible, mais non pas hésitante. Les herbes et les fougères avaient été fauchées sur un carré de quelques mètres. C'était l'endroit où le malheureux devait mourir. Il y parvint enfin. Il se laissa bander les yeux et s'agenouilla devant ses compagnons d'armes rangés à 10 pas de lui. À cheval près du peloton, le colonel Coq était visible de tous les points de la clairière. Il commanda « Portez vos armes !» Tambour, ouvrez le banc. À un roulement lugubre comme un glas, succéda un silence plus lugubre encore. Dans cet espace où, sous le ciel, 8000 hommes respiraient, on entendit, semblable à un râle d'agonie, le souffle oppressé du condamné. À cet instant solennel, la voix sonore, nette et vibrante du lieutenant Hénard, s'éleva du centre de ce cirque et prononça l'inexorable arrêt que terminaient ces mots. Au nom de la patrie envahie, le caporal Tillot est condamné à la peine de mort. La dernière parole fut couverte par une détonation que les échos de la forêt répercutèrent comme un grondement de tonnerre. Puis un coup isolé, sec, sinistre, le coup de grâce, tandis qu'un blanc nuage de fumée s'élevait lentement dans l'air en s'y évaporant peu à peu. Le caporal Tillot avait achevé de souffrir. Monsieur Hénard nous rejoignit de son pas long et souple. Nous ne savions trop s'il fallait admirer cette maîtrise de soi-même ou craindre la cruauté que dénotait le sang-froid de notre chef. Pourtant, il était livide, et sa main trembla en cherchant la poignée du sabre qu'il tira du fourreau pour défiler. Il n'essaya pas d'ailleurs de dissimuler « J'ai passé, nous dit-il à demi-voix, par bien des émotions, mais celle-ci est la plus cruelle. » « Arme au bras !» reprit cependant la voix calme et froide du colonel. Les tambours roulèrent de nouveau, et le défilé commença devant le corps du supplicié. Auprès se tenaient le prêtre et le docteur, et autour de ce groupe, 4 hommes, en sentinelle, formaient le carré à 10 pas les uns des autres. Le malheureux s'était affaissé sur le côté droit. Sa veste portait dans le dos les petites déchirures rondes des balles qu'il avait traversées de part en part. Et le visage exsangue touchait terre, baignant dans une mare d'un rouge noir dont l'herbe s'imprégnait.